Ils en parlent tous mais ne connaissent pas l'histoire. J'ai des cartouches posées dans la tour d'ivoire. Quand tout va mal, je dirais que tout va bien. Regarde-moi dans les yeux, me parle pas latin. Place de la com, fais ta comédie. Ce que tu veux, c'est pas de la poésie. Tu peux y laisser ta peau ici. On est connaisseurs, en toute modestie. Aucun répit, je te laisse pas respirer. Pas réfléchir, je fais que de baratiner. J'ai pas de peine pour les arrogants. J'ai besoin de perdre pour prendre ma revanche. J'esquive les embûches comme un skieur ambulant. Technique de l'autruche, mais je suis pas endurant. Hypocrisie dans les yeux des autres. Et devant le miroir, j'ai vu mes propres fautes. Quand tout va bien, il me sauce. Quand tout va mal, il me lâche. Très jeune lâché dans la fosse, tombé d'une dizaine d'étages. Ils en parlent tous, mais ne connaissent pas l'histoire. J'ai des cartouches posées dans la tour d'ivoire. Quand tout va mal, je te dirai que tout va bien. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Parle pas chinois, parle pas latin. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Parle pas chinois, parle pas latin. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Ils en parlent tous, mais ne connaissent pas l'histoire. J'ai des cartouches posées dans la tour d'ivoire. Quand tout va mal, je te dirai que tout va bien. Regarde-moi dans les yeux, ne place parle terreau, pas latin. Je vais prendre l'apéro, bandana violet comme Donatello. En mode start and go, je connais pas son prénom. Sur la place du mort, laisse-moi faire le créneau. Elle voulait que je disparaisse, mais je donnerai tout juste pour discaresse. T'as beau dire je t'aime, je te crois pas. Même dans le requiem, je rêve de toi. Ils en parlent tous, mais ne connaissent pas l'histoire. J'ai des dizaines d'histoires qui me traînent au huc. Putain de lyonnais qui va droit au but. Hess où l'histoire se termine en silence. Les larmes sont même pâles, bienvenue quand la peine est immense. Ils en parlent tous, mais ne connaissent pas l'histoire. J'ai des cartouches posées dans la tour d'ivoire. Quand tout va mal, je te dirai que tout va bien. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Parle pas chinois, parle pas latin. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Parle pas chinois, parle pas latin. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Regarde-moi dans les yeux, ne parle pas latin. Raison Juice. KOVU.